What's up, what's up? Let's solin. Yo. Dans la moyenne, j'fais de même plus, j'suis ben trop fort. Mes verses font toujours effet en parlant pas trop fort. J'entends des rumeurs de menaces, de takeover. J'vais les bumper, même ceux qui roulent en Range Rover. À peu près 3-4 ans pour avoir du respect. Mais ça me prend 3-4 bars pour te faire rester en paix. J'check le départ de la plupart guettes, ils sont lents. Comment j'me présente, c'est moi, les solents. Avant de faire ta track, mes verses les connaissaient. Ton crew veut me bite, dis damn, faut qu'on essaie. Faut qu'on les aide. Ceux qui ont pas un rhyme, faut qu'on les aide. Nah, bien y penser, man, faut qu'on les aime. Pourquoi? J'suis une source de motivation. Ça m'empêchera pas de dire yo, motivatant. Va-t'en. Laisse ton poste vacant, va donc prendre des vacances quelque part près de volcan. Fais pas le fréquent, arrête de faire le fou quand t'es avec ton cagnette, c'est pas dans mon clan. C'est ça, un insolent. Je rentre chez vous, mais jamais en sonnant. Il parle de ci, il parle de ça, il parle pour rien. Quand il me voit, il parle de rien. Waouh, insolent. Je suis insolent. Il parle de ci, il parle de ça, il parle pour rien. Quand il me voit, il parle de rien. L'insolent, je suis insolent. J'ai pas envie d'être une vedette et disparaître. Juste envie d'avoir assez de cob et plus avoir de dettes. Qu'est-ce que tu pensais? J'allais me faire abattre sans me débattre, sans blague. Je crée ma charte sans bague, je laisse ma marque. T'es fou. Si tu penses que je suis là pour faire une scène, ton coup, je risque de saisir juste à ce que tu tiennes debout. Wake up, tant qu'à penser, j'ai tant composé. Mon plan pour être franc, j'ai comploté. J'ai osé prendre une pause, c'est ma cause. J'ai de rester moi, mais sur une track, c'est ma close. De point non retour. Nos textes, notre seul recours, notre seul discours, notre seule façon de dire ce qui est cool. La rock, l'instigate, je suis parti de rien. Faut que je prouve des niggas qui disent que je parle de rien. Ils parlent de moi, ils aiment faire de la controverse. Dans une vitrine, je break tous ces controverses. Comment tu me traites de soft, mon nom te dit voir. Tu fais mieux marcher droit, yo, je crasse ton C-Walk. Je crasse ton petit torche, je crasse ton petit bloc. Je débarque dans ton coin tout seul, je te dis voir. Tu veux mettre des gants, vas-y, yo, mets-les. Tes boys amènent-les, c'est moins qu'à mêler. Oh yeah, je t'ai vu avant hier. C'est quoi tu disais déjà, ouais, c'est ça, rien. Ils parlent de ci, ils parlent de ça, ils parlent pour rien. Quand ils me voient, ils parlent de rien. L'insolent, je suis insolent. Il parle de ci, il parle de ça, il parle pour rien. Quand il me voit, il parle de rien. L'insolent, je suis insolent. Hey yo, last call. Après cette track, y'a du beef. Que tu sois sur cet album, si t'es poche, je te dis. Qu'on soit chum ou pas, que tu sois un bum, que tu sois une femme, que tu fasses des moves wrong tongue. C'est comme le petit con qui écoute trop d'américains. Colle des mots, fais des slings qui font pas de sens, crétin. C'est comme le gars qui fait des beats, faut le rapper. Qu'on soit toi, sur tes beats, les bubububuguillés. Si t'es pas au courant, et yo, suis pas au courant. Quand tu me vois, yo, traverse, yo, et pars en courant. Par courant, et j'ai jamais lu le courant. Mais au paradis, yo, j'aimerais tous qu'on rentre. Y'a rien cute. Execute peut tout ça. Tu me hate pour ça. T'as du love, mais où ça? T'es contre toi, t'as pas de contrat. Amène toutes tes skills, yo, sur le comptoir. Il parle de ci, il parle de ça, il parle pour rien. Quand il me voit, il parle de rien. L'insolent, je suis insolent. Il parle de ci, il parle de ça, il parle pour rien. Quand il me voit, il parle de rien. L'insolent, je suis insolent. Parle de ci, parle de ça. Parle pour rien, man. Fais mes dents. Quand il me voit, il parle de rien. La Rock, l'instigat. 6-7. La Contienza. L'insolent.